couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure en bonne humeur avec les artistes de la région et j'ai même envie de dire parfois de la grande région. Coucou à nos amis alsaciens, mardonnais, corse, oui, de l'île de la Réunion aussi. Attention, il y a du teasing, il y a du teasing. Pierre au micro, ravi de vous retrouver tous les samedis à 13h et les dimanches à midi. Bon appétit, bon apéro, vous êtes contentés, votre estomac aime ce qu'il absorbe. Et nous, on va vous nourrir, vous double nourrir, double ration. Mais on s'en moque un peu de votre physique, de votre estomac. Il faut manger, évidemment, c'est important. Je vois déjà des gens qui rigolent. Nous, on va s'intéresser à votre âme, à votre esprit, à votre identité, à ce qui fait de vous des mélomanes, puisque si vous nous écoutez, c'est que vous êtes fan de musique. Et si je vous disais que j'ai en face de moi trois membres émérites d'un groupe un peu plus grand qui reprennent des tubes soul funk, parmi d'autres des années 60, 70, 80, ça vous ramène à loin, certains auditeurs, et pour moi, eh bien, c'est tellement loin que je n'étais pas né, c'est con. Alors ils font les choses, ils les font bien, mais parfois ils les font un peu près. Mais on espère que ça reste bien quand même, on est avec Led Zap, ils nous viennent de Commercy, entre autres, du coin quoi. Eh ben, bonjour à tous les auditeurs, merci Pierre pour cette présentation. Vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein. Je pense que tu as énormément travaillé. Ouais. Un peu de pression de nous recevoir peut-être. Juste sur le nom. Après le reste, qui êtes-vous? Je plaisante. Nous sommes avec Doumé, le trompettiste de Led Zap. Exactement. Et accessoirement le Corse, comme tu l'as dit et pendant Corse. La petite présentation. Attention. Corse de Commercy. Le Corse de Commercy, ça existe. C'est possible. Tu as en face de toi la chanteuse ou l'une des chanteuses. Je crois que tu n'es pas la seule. Tu es la chanteuse leaduse. Oui. Un petit peu. C'est toi. Le charismatique. Oui, voilà. Charismatica. Ça veut rien dire. Nous sommes avec Séverine. Ça va, Séverine? Oui, très bien. Et toi? De l'île de la Réunion. Oui, ça va très oui. bien. C'est joli, l'île de la Réunion. Oui, très, très, ouais, très. En même temps, t'allais pas me dire non. Ah bah, c'est sûr que non. C'est de la... Hein? Quoi? Bon, ben, on ira peut-être y faire un tour, mais on s'en fout parce que c'est pas le sujet. Enfin, on oui. s'en fout pas, non. C'est très joli, mais c'est pas le sujet. En effet. Il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter, sinon je vais trop, trop loin. Et tu as à tes côtés également Déborah, guitariste. C'est ça. Alors moi, je tiens à dire déjà qu'une femme qui fait de la guitare dans un groupe, j'en vois tellement peu souvent que je suis content. Bah, en fait, moi, j'adore jouer de la basse. Mais je fais de la guitare dans ce groupe parce qu'il y a déjà un bassiste. J'ai cru que t'allais tuer mon délire. J'étais en train de me dire, j'adore les femmes qui font de la guitare. Alors moi, j'adore faire de la basse. Merci, c'était Fatchet Quoi, Calenté avec Led Zap. Je plaisante. Led Zap, les à peu près. C'est ça, c'est les à peu près, mais on sera bientôt les perfect. Les perfect, faudra changer. Non, faudra tout changer, ça va être n'importe quoi. Les à peu près parce que quand on s'est rencontrés, on était... Bah, déjà, on est tous élèves au conservatoire de Commercy. D'accord. Et quand on s'est rencontrés, enfin quand on a décidé de faire un petit truc à quatre au départ, c'était il y a presque 10 ans maintenant, et on était vraiment à peu près quoi. Et on est toujours élèves, on a beaucoup travaillé, le groupe s'est agrandi, parce qu'on est parfois 9, voire 11 sur scène. Ah ouais. Ouais. Et on a décidé d'arrêter avec les à peu près parce que grâce à Séverine, on était vraiment pas mal. On avait un bon retour du public et là, on s'est dit, il faut couper un petit peu les à peu près. On s'est appelé les Led Zap. Les Led Zap. Est-ce que c'est un rapport avec Led Zap ou pas du tout? Non. C'était pour faire fun. Il n'y a pas de jeu de mots. Non, on ne fait pas du tout de rock, mais après, bon, on adore Led Zap aussi. Oui. Mais on, voilà, c'était un peu pour le jeu de mots. Mm-hmm. C'est quand même un jeu de mots. Oui. Oui. D'accord, oui, oui. Ok. Non, parce que je me suis posé la question la première fois que j'ai entendu parler de vous. C'est vraiment le diminutif des à peu près et c'est le clin d'œil à Led Zepp, mais rien à voir avec notre style de musique. Les à peu près, si tu le dis vite, on va pas faire le test. Les à peu près, les à peu près, les à peu près. Les à peu près. Si tu coupes, ça fait les à peu près. Led Zepp. Et je viens de faire le test. Les à peu près, oui, peut-être, mais en attendant, les à peu près seront le 11 novembre chez Paulette. Et ça, pour des à peu près. Super fier. C'est quand même pas mal. Félicitations à vous. Un grand merci. Un grand merci. Donc, à savoir qu'on a l'honneur de jouer chez Paulette. On avait déjà eu cet honneur-là en faisant la première partie, ben justement, d'un concert organisé par le Conservatoire de musique de Commercy. le Cool Big Band. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'était une expérience extraordinaire. Donc, il y a des liens qui se sont tissés. Mm. On a travaillé depuis, puisque c'était il y a 2-3 ans. Non, le concert, c'était peut-être un peu plus longtemps. Oui, il y a 4 ans, longtemps. Oui. C'était... Et bon, dans un coin de notre tête, on a toujours eu cette ambition, parce que je pense que, voilà, localement, c'est quand même une salle de renom. Mmh. Qui, je veux dire, localement, c'est connu, mais ça a un rayonnement même un peu plus, voilà, un peu plus loin, en dehors de nos frontières. International. Ouais, oui. Donc, du coup, on a cette chance-là, et donc on va la saisir pour animer une soirée fantastique, je l'espère. Et 10 euros en pré-vente. 8 euros en pré-vente. 8 euros, ça a changé ou... Non, c'est ça sur place, en fait. Sur place, je ne sais pas lire les affiches. C'est pour ça que je fais de la radio, je n'ai pas besoin de mes yeux, j'ai besoin de ma voix. On est avec Ledzap, tu parlais de liens. Alors, les liens, c'est sur Facebook, hein. Ledzap, L-E-D-Z-A-P. Facebook, tous les réseaux sociaux existants. Instagram aussi. On a une chaîne YouTube. Ouais. Vous pouvez aller voir des petites vidéos sympas de concerts. D'ailleurs, on a quand même une vidéo YouTube qui s'approche des 90 000 vues. Attention, il faut le signaler. Attention. Non mais franchement, faut pas vous prendre pour des à peu près très longtemps. Ça fait 6 minutes 10 d'émission et je suis déjà en face de véritables rockstars. C'est gentil. Merci beaucoup. Même si c'est pas forcément du rock. Alors, vous m'avez fourni une sélection de titres live. J'ai du Otis Redding, du Billy Paul, je dis ça comme si je connaissais tous ces univers-là, mais on va faire genre que je les connais, parce bien que sinon je ferais pas mon travail de journaliste. Enfin bon, vraiment, non, non, t'as bien travaillé. Tina Turner, qu'est-ce que vous avez envie de faire découvrir en premier? Je sais pas. Après, moi, pour poser le cadre, parce que je pense que c'est quand même quelque chose que, en règle générale, quand les gens nous voient, ils retiennent, c'est le chant, hein, avant tout. Ouais. Moi, j'aimerais bien un petit Proud Mary. Proud Mary de Tina Turner, un exercice quand même pas facile de reprendre ça au chant. Non. On va mettre un petit extrait. C'est toi, Séverine, qui chante. Oui, c'est ça. Attention. Attention. Bon, c'est un live, évidemment, vous entendez. Et en plus, on a l'énergie quand même du public derrière. Ça, c'est quand même bien. Hein. C'est vendeur. Oui. Hein. Ça veut dire que les gens ils kiffent. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors que c'est ce qui est dit derrière, mais c'est magnifique. Oh. J'aurais peut-être dû couper le début du son. Je sais pas combien il y avait de blabla avant. Je sais plus. C'est long parce que Séverine, elle est très bavarde sur scène. Ouais. À un moment donné, il faut m'arrêter, ouais, j'avoue. Non, parce que les gens, ils sont tellement, tellement contents d'être tu là. Fais tu fais l'animation. C'est ça. J'apprends. Tu apprends. Parce que tu n'es pas du métier à la base. Non. Toi aussi, tu es à peu près. Oui. Au début. Bah oui, carrément. Mais c'est vrai que j'apprends beaucoup avec les dates. Tu as d'autres formations à côté? L'orchestre, justement, le coup de Big Bang. L'orchestre, le Big Bang. Mmh, je suis chanteuse aussi là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Y a du saxophone, de la batterie. Alors, comme Déborah le précisait, à la base, on était quatre au départ et après, ça s'est étoffé. Et donc, du coup, là, le gros de la troupe, c'est 9 musiciens. Donc, si on les énumère tous, il y a Christophe à la basse, Déborah à la guitare, Séverine au chant, moi à la trompette, il y a Manu au piano, il y a Flo au sax, il y a Hubert. Voilà, peut-être que tu connais Hubert à la batterie. Vite fait, ouais. Vite fait. Après, en choriste, on a Aminata et Chanel qui viennent, qui nous ont rejoints dernièrement. Et là, et puis, il y a quand même un guest qui vient régulièrement et à qui. Ouais, je tiens personnellement, puis je pense que tous mes collègues de groupe vont s'associer. Ben, y a Fifi, Stéphane Garafi, qui est un peu notre mentor, c'est peut-être le mot. Ouais. Il nous fait les arrangements, on bosse pas mal avec lui, il vient en soutien, en guest sur certains concerts. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous accompagne comme il faut, et c'est vraiment quelqu'un qui nous fait énormément progresser. Après, il y a d'autres personnes qui viennent... Se sera ajouté Nicolas. Au trombone. On en oublie certainement. Un gros orchestre. Hein, voilà, exactement. Un grand orchestre. Et là, on est sur Proud Mary de Tina Turner. On va monter un petit peu le son pour que les auditeurs puissent entendre ta belle voix, Séverine. Turn it, run and keep on. Tomorrow Mary, Tina Turner, mais c'est Séverine qui chante de Led Zap sur Fadjet, dans Couleur Locale. Bah, moi, je dois dire qu'on aime, on aime beaucoup. Merci. Ça, c'est les clichés de l'animateur radio qui dit « Nous, on aime beaucoup, mais je suis tout seul. » Alors, du coup, pour l'instant, qui aime, qui écoute, vous, chers auditeurs, au 94.2 FM à Nancy. Et sur Fadjet.net, groupe de musique soul, années 60, 70, 80, mais pas que. Funk, tout un univers très, très large. Un petit peu de rock aussi. Un petit peu de rock avec, quand même. Avec dernièrement des morceaux « Hard to Handle ». C'est Give Me Some Lovin'. Ouais, c'est des morceaux qui... voilà, qui ça, ça a apporté un petit peu de changement dans Art votre répertoire. Handle, mais je crois que je l'ai en plus. Attention, Otis Redding, c'est ça ? À l'origine, ouais. Ouais. Maintenant, c'est Led Zeppelin, quoi. T'as du vieux rock avec le piano derrière. Janis Joplin a fait une version. D'accord. C'est vraiment pas du tout mon univers, mais c'est ça qui est intéressant sur Fadjet dans Couleur Locale, c'est qu'on découvre tout un tas d'univers avec vous. Led Zeppelin. Est-ce qu'il y a un projet d'album ou quelque chose ? Est-ce que c'est une velléité de votre part ? Pas du tout. Pas du tout. Nous, on est plus dans se produire en public. Ouais, la scène. Donc, quoi. La scène. Voilà. Nous, c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui vous plaît. Ouais. On s'amuse. Il y a une super ambiance. On a un super retour du public. C'est ce qu'on recherche. On fait plaisir. On fait plaisir aux gens. Donc ça, c'est l'avis de Déborah, la guitariste. Mais est-ce que c'est partagé par Doumé, notre trompettiste, et Séverine, la chanteuse ? Attention. Séverine. Non, franchement, c'était vraiment comme un accord tous ensemble de privilégier plus le côté concert que le côté voilà, faire un album. Ça aurait été bien, mais bon, moi de mon côté, ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Mais moi, je trouve que finalement, le côté. C'est faire, la scène, quoi. Voilà, la scène, c'est vraiment ce qui nous représente et surtout moi, quoi. Je m'éclate, un truc de fou. Ah bah, ça s'entend, hein, ça s'entend totalement. Du coup, j'imagine pour toi aussi, Doumé, pareil. Bah, 200%. Hein. 200%. 200%. En plus, le live, voilà, il y a une certaine excitation, il y a des imperfections. Donc, ça colle complètement avec notre esthétique. Mmh. Voilà. Après, il y a beaucoup de travail à fournir. Mmh. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sympa parce qu'on se voit souvent. Donc du coup, ça crée une dynamique qui, je pense, se ressent sur scène. Alors moi, il y a un truc que je trouve impressionnant, c'est qu'effectivement, il y a cette dynamique-là, il y a cette qualité de jeu. Mais comment on fait quand on s'appelle les uns peu près, quand on se vend directement en disant « Ouais, nous, voilà, on n'est pas des pros, on est arrivés comme ça. » On apprend, mais qu'en même temps, on réunit entre 9 et 11 musiciens sur un répertoire éclectique pas forcément simple et qu'on arrive à faire sonner tout ça. Wow. Le travail, il n'y a pas de hasard. C'est la passion en fait de jouer aussi, la passion de la musique. De toute façon, il n'y a pas de secret. On adore ça, on adore ce qu'on fait, on adore ce qu'on écoute. Et le fait qu'on s'entend déjà sur une même passion qui nous réunit tous, ça peut que fonctionner. après, notre démarche, c'est quand même, on écoute beaucoup de musique, ouais. Chacun de notre côté. Ouais. Quand il y a un morceau qui plaît à l'un, on le met sur le groupe, parce qu'on a un groupe WhatsApp, donc tout le monde écoute, tout le monde donne son avis. Ouais. Et si tout le monde est OK, partant, en général, notre pianiste, qui est un petit peu la technicienne du groupe au niveau musique, essaye de trouver des parts, essaye de trouver des arrangements. Uh-huh. On demande aussi à Fifi de nous donner un coup de main, mais on part de ça, quoi. D'une volonté, tous ensemble, de monter un morceau. Ouais. Voilà. On a toujours travaillé comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Et le projet, on va pas se cacher, c'est de cette étiquette à peu près. Il faut qu'on la gomme, hein, très rapidement. Donc on bosse pour ça. Et voilà, c'est aujourd'hui peut-être qu'on a sans prétention. Ben, quand les gens nous voient sur scène, et ben reconnus un petit peu différemment. Alors ça fait la petite blagounette, donc les gens retiennent ça. Mais voilà, les Led Zap. Existe et on a envie justement de faire durer un petit peu ce projet et, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à le vivre nous personnellement et on prend beaucoup de plaisir à alors partager. Tu sais quoi, on vient de dépasser les 15 minutes d'émission et pour la symbolique on va gommer cette étiquette. Merci. Les Zap ne sont plus les à peu près, je suis en face de véritables mélomanes professionnels ou tout du moins professionnalisants. Allez quand même dites-moi, à 9 ou 11 c'est chaud, pas des petits moments comme ça où ça se frite un peu. Franchement, se friter, non. Non. Il n'y a pas de baston. Si, non. Alors, on va quand même raconter les petites anecdotes. Des c'est que petites anecdotes. Vas-y. Dans cette formation, il y a quand même deux couples. Ah oui. Donc, c'est sûr que s'il peut y avoir des petites frictions, ça peut être dans chaque couple. Mais... non, en fait, c'est pour la blague. Ma véritable question, c'est comment on coordonne un projet comme ça. Parce que moi, je reçois souvent des power trios, des groupes de rock, des quatuors, quartet, ouais. Ou des artistes solo. Et je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, très impressionné par... la façon dont on peut fonctionner et avoir une telle qualité avec autant de monde. Alors, vous dites le groupe WhatsApp, il doit y avoir une belle communication entre vous. Oui, on communique beaucoup et par les réseaux. Après, vu qu'on est souvent, on s'est tous connus via le conservatoire. Donc, on a déjà ce lien-là au niveau du conservatoire. Et du coup, on se voit assez souvent par rapport à ça. Donc, et on répète tous une fois par semaine chez nous. Oui, chez vous, voilà. Parce qu'on a un studio à la maison. Après, sans se mentir. Et c'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Mmh. On est une structure organisée. Il n'y a pas de hasard. Par contre, là, on ne laisse pas à peu près. Voilà. Sur ce plan-là, on est organisé. Voilà, on est monté en association. Chacun a un rôle important à tenir dans cette association-là. La communication, c'est-à-dire que quand on fait, par exemple, une répétition, on ne quitte pas la répétition sans avoir fixé une date de répète la semaine qui suit. En général, on se voit 2 heures toutes les semaines. On a un planning exprès avec les absences et les présences de chacun. Et puis on s'organise. Mais ça, c'est important pour les auditeurs et surtout les auditeurs qui veulent se lancer dans la musique, d'avoir ces petits conseils de musiciens chevronnés, je trouve. Mm-hmm. Oui, c'est super important parce que je crois que dans la constitution actuelle du groupe, ça fait 5 ans, mais sinon ça fait quand même ça fait plus que ça, plusieurs années qu'on joue ensemble et ça tient. Donc du coup, on n'est pas un vieux groupe, on n'est pas un historique, mais ça a le mérite d'exister depuis un certain temps et je crois que cette organisation-là a aussi permis On a une rigueur qui permet d'être pérenne, en fait, de pouvoir continuer très sérieusement à faire de la musique. Une rigueur et une qualité qu'on a entendue. On écoutera d'autres extraits dans l'émission. Vous êtes sur Fadjet, couleur de canane. Si on est avec Led Zap, un groupe de Commercy, reprise soul, funk, rock, du bon vieux, de la bonne vieille musique, comme on n'en fait plus aujourd'hui, malheureusement. Mais il y a des structures porteuses. Il y a chez Paulette, le 11 novembre, 8 euros en pré-vente, 10 euros sur place. Donc allez-y, chez Paulette, c'est quand même... il faut y aller, quoi. Ah, top. Il faut aller vous voir. On fait un concert chez Paulette, suivi d'une soirée avec un DJ qui diffusera des musiques dans le même style que nos musiques. C'est cohérent. Donc venez avec les colpel à tarte et les pâtes d'eff. C'est Soul on Fire. C'est ça. C'est ça, le nom du spectacle, c'est ça, Soul on Fire. Alors la différence, c'est que malheureusement, les artistes que diffusera le DJ n'auront pas la voix de Séverine, ni votre couleur à vous. Mais que voulez-vous, Fadjet, couleur locale. Alors on a plein de trucs dans notre petite boîte là. Je vais peut-être rebondir sur Billy Paul, puisqu'il y a eu un changement. Un petit slow, ouais, ça peut donner envie, justement. Ouais. Un petit quart d'heure américain à faire chez Paul. C'est Me and Mr. Jones. À l'origine, Mrs. Ouais. Jones. Alors réexplique-moi, pourquoi? Je veux savoir. On va dire que j'avais envie de faire ma réponse à moi. Ma version à moi. Ta version à toi. Voilà, du côté féminin. Du côté féminin. C'est ça. Mais t'as rien changé derrière. Non, pas grand-chose. C'est juste le nom, quoi. Juste, au lieu de dire Mrs., j'ai dit Mister. Et en fait, c'est juste pour embêter les gens, quoi. Un petit peu. Séverine, un petit peu. C'est n'importe quoi. J'ai trouvé ça très... je sais pas. J'avais envie de mettre ma patte, de mettre mon style. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, à quoi bon donner du cœur si c'est pour ressembler exactement... C'est ça. À un autre cœur. Du cœur, on en a avec Led Zap sur Fadjet dans Couleur Locale au 94.2 à Nancy. Et on écoute un extrait de Me and Mr. Jones. Et pas ici, c'est Billy Paul à l'origine et c'est repris par Led Zap. I'm on a new Jones, Billy Paul repris par Led Zapp avec Séverine au chant. Salut Séverine. Salut. Re-coucou. Déborah à la guitare. Salut. Salut, re-coucou. Et Doumé à la trompette. Bonsoir Pierre. Ça va ? Super. Alors moi je suis instrumentiste avant aussi. Et on s'en fout. Mais en fait, c'était ce que, la seule chose que je voulais dire, c'est que je suis impressionné aussi par les trompettistes. Ah bon ? Ouais. Moi, je fais de la clarinette et du sax. J'ai essayé de souffler dans une trompette une fois. Et je crois que c'est plutôt la trompette qui a soufflé dans moi. Et c'est un peu bizarre, mais vous voyez un peu le... Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un instrument quand même qui est relativement physique. Ça a l'air physique. Qui est physique, oui. Après, bon, je ne vais pas vous surprendre, mais pour moi, c'est le plus bel instrument Le plus bel instrument au monde. Et je sais que Stéphane, Fifi sera d'accord avec moi. Ouais. Tu parlais, Séverine, d'univers, de rajouter sa patte. Moi, j'ai envie de vous poser la question que je pose à tous les groupes qui font de la réinterprétation de la reprise. C'est, est-ce que Led Zapp, demain, pourra faire une compo ? Est-ce que c'est quelque chose de prévu ou vous avez déjà parlé ? Est-ce que ça rentrerait dans votre projet ou... C'est pas une question de piège, il n'y a pas de jugement, mais ça m'intéresse de savoir. Alors, sincèrement, c'est pas du tout prévu. C'est pas du tout prévu. Pour l'instant, et je crois pas qu'il... Voilà, il n'y a même pas un embryon d'idée ou... Non, on n'est pas dans cette logique-là, sincèrement. Ce n'est pas dans le projet. On ne se pose pas du tout la question, en fait, parce qu'on a tellement de pépites à exploiter dans le patrimoine musical international que je crois qu'on ne se pose pas la question. On a de quoi faire, en fait. Vous avez de quoi faire. Non, mais après, avoir un projet cohérent et qui rassemble tout le monde autour, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est sûr que c'est magnifique. C'est ce qu'on nous dit souvent en concert, c'est que toutes nos chansons sont connues, mais ne sont plus jouées. Et donc le public apprécie énormément de réentendre tous ces standards qu'on ne joue plus. Parce qu'actuellement, il y a énormément de groupes de rock, il y a de plus en plus de rap, et notre style musical est très peu joué en fait. Oui, j'avoue. C'est vrai que j'en connais pas énormément de groupes dans le coin, en tout cas qui fait le style qu'on fait. Donc sinon, j'aimerais bien les écouter. On piochera, mais ce ne sont pas eux les stars de l'émission, ce sont vous. Voilà. Led Zapp, Séverine, Déborah et Doumé, une petite partie finalement d'un groupe de 9 à 11 personnes, vous disiez, en fonction qui vient ou pas. C'est un peu bizarre. Ouais. Le fondamental, c'est 7. 7. À 7. On peut jouer, on peut se produire. Voilà. L'idéal, c'est 9 et encore mieux. Et la Rolls-Royce. Voilà, c'est ça. Alors, vous parliez de la scène. de musicien à musicien, je suis totalement d'accord avec vous, il n'y a rien de mieux que faire de la scène. Comment on peut vous booker? Je crois que vous avez une page sur Isisic Booking sur le site. Ah oui, alors on est présent sur tous les réseaux sociaux, on a essayé justement d'être assez actif. Et juste une précision, et là j'en profite pour faire aussi un coucou à Manu qui est qui joue du clavier, voilà, au piano, et qui est vraiment à fond, un investissement hors pair sur ce plan-là. Et elle est présente, elle se démène. Et... C'est elle qui fait la communication du groupe. Oui. Ah, c'est... Honnêtement, on parlait tout à l'heure comment vous faites pour vous organiser en termes d'organisation de structure musicale. Et je crois que c'est fondamental pour un groupe d'avoir quelqu'un comme Manu qui. Aussi investi. Qui, investi, qui se démène. Bon, chacun a son rôle, et chacun a son importance. Mais sur ce plan-là, c'est quand même primordial. Voilà. Donc c'est elle qu'on contacte si on veut vous faire jouer? C'est ça. Oui. Ouais. Il y a une adresse email que j'ai trouvée sur Facebook. Est-ce que je peux la donner? Bien sûr. Donc c'est canal H. Ouais. Oui. C'est le côté corse. Le côté corse. letzap@gmail.com. On a book.isisic.com/letzap. Une date. À l'autre, d'accord, chez Paulette, mais peut-être, j'allais dire à l'autre canal, mais peut-être un jour. Oh là, oui, attention. C'est vrai qu'on nous a approché la dernière fois. C'est quelqu'un qui m'a demandé si on serait intéressé de jouer à l'autre canal. Attention, ça commence bien là. Alors là, bon, on va commencer déjà par chez Paulette. Oui. Ne nous prenons pas pour des rois. Après, c'est que un contact. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Tout commence par un contact. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je confirme. Tu confirmes? J'ai dit avec plaisir. Hein. Chez Paulette, le 11 novembre, 8 euros en pré-vente, 10 euros sur place. C'est Soul on Fire. Ce sera suivi par un DJ. DJ 7. Un DJ 7, voilà. Tout bien. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous remercie d'avoir participé à cette édition de Couleurs Locales. Merci beaucoup. Merci à toi. On rappelle que vous êtes sur Facebook, sur Instagram, c'est Let's Zap, ça vient de Commercy, c'est de la soul, de la funk, tout ce qui va bien, années 60, 70, 80, mais je suis sûr que ça va aller beaucoup plus loin dans le futur. Évidemment, j'embrasse mon ami Hubert avec qui je joue formation et on l'embrasse aussi. On l'embrasse quand Hubert. Même, du violon, on embrasse à la batterie, Flo, c'est tout faire. On embrasse tous les membres du groupe. Manu, Christophe, tout le monde, les filles. Tout le monde. Chez Paulette, donc ne ratez pas le coche, ce sera dans 2 semaines à partir de maintenant, chers auditeurs. Et quant à moi, Couleurs Locales, je vous retrouve tous les samedis 13h, les dimanches à midi au 94.2 à Nancy sur fadjet.net. Le podcast à 18h dimanche sur Spotify, c'est beau ça, Spotify, for podcaster, Pierre Mercier de Fadjet. Et puis on va quand même se laisser avec une petite musique. Yes. Comment ouais. quoi Bah, ouais. Lady Marmelade. Ça oui. Lady Marmelade. Ouais. En plus, on entend bien les filles. C'est beau. Il y a des cœurs derrière. C'est plus, ça. Il y a ouais. des cœurs. Eh bien, on se laisse avec ça sur Fadjet dans Couleurs Locales. Je vous souhaite un bon week-end, chers auditeurs, et bon courage à vous pour la suite, Let's Up. Merci. Merci, merci. Merci, bon Pierre. Bon week-end. Merci. Spend more, you know, spend more. Do we have enough sugar and salt?